Pour enlever rapidement la buée sur le pare-brise, la meilleure solution est d'ouvrir une vitre, réponse A. De mettre la climatisation, réponse B. D'essuyer avec la main, réponse C. De mettre le chauffage au maximum, réponse D.